amable t'as-tu. La neige. Si peu nombreux encore, tes jours coulent bien sombres, jeune année, et ton front est enveloppé d'ombre. De ces nuages noirs qui déguisent les cieux, descendent les frimas à flots silencieux. Comme le froid chagrin sur une âme oppressée, la neige sur le sol tombe lente et glacée. Dans mes yeux abattus, je sens rouler des pleurs. Hélas, mon cher pays, qu'as-tu fait de tes fleurs? Quel sinistre pouvoir a flétri ta parure? En vain mon cœur gémit et ma bouche murmure. Demain, hélas, demain, de ces blancs tourbillons, la neige aura comblé tes fertiles sillons. Les oiseaux que la bise atteint dans leur retraite, demain s'exileront de tes forêts muettes. Demain, ces flots nombreux, qui, dans leur liberté, te vont porter la vie et la fécondité, s'arrêteront captifs, et ce réseau de glace, comme un voile de mort, couvrira ta surface. Mais ce linceul pesant, sous sa morne pâleur, double en la comprimant ta féconde chaleur. Telle, dans nos hameaux, la couveuse fidèle cache un germe inconnu sous l'ombre de son aile, et peut-être, trompée en son aveugle amour, s'étonnera des fruits qui vont éclore au jour. Déjà, dans sa puissance où la terre se fit, fermente sourdement le principe de vie. Déjà, la sève errante en ses mille canaux promet au tronc vieilli des rejetons nouveaux, et sur le froid sommeil de la nature entière plane un songe d'espoir, de joie et de lumière. Pour hâter le moment d'un glorieux réveil, France, que te faut-il? Un rayon du soleil. Le soleil, il est là, brillant sous ce nuage, comme la vérité dont son astre est l'image, comme elle aussi, couvert d'un voile passager, qu'il obscurcit un jour mais ne peut le changer. Ah, si l'ombre est rapide, et lui seul immuable, s'il faut subir du temps le cours inexorable, si le plus long hiver est suivi d'un printemps, il vient, l'hiver s'enfuit, le temps vole, j'attends. Le Par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.